أشراط الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فقد كفر بالقرآن. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد. On continue bihawlillahi azza wa jal avec les signes de la fin des temps. Et ici, on a parlé la semaine dernière, tahaddathna anil masih, wa qulna annahu sayamkuthu fil ardi arba'ina yawman. On avait rappelé qu'il restera sur la surface de la terre 40 jours et on a expliqué ces 40 journées-là. Et ici, on a rappelé la parole du prophète alayhi afdalu salatu wa taslim, kama ja'a fi sahih lama qala alayhi salatu wa salam. La fitnata a'azamu, il n'y a pas de fitna, c'est-à-dire de tentation, de trouble, d'épreuve mauvaise. On parle ici de fitna, c'est-à-dire épreuve mauvaise. Ici, la fitnata a'azamu min fitnati dajjal, il n'y aura pas une épreuve mauvaise ici ou plus grande que l'épreuve de la venue de l'Messie ad-Dajjal, l'Antéchrist, ou qul in shi'ta, le faux Messie. Et ici, on avait rappelé que les personnes qui seront le plus touchées par cette épreuve-là, ce seront qui? Al-Juhala. Ici, les ignorants. Et parmi eux, il y aura aussi les femmes et il y aura aussi les bédouins. Donc, on avait parlé ici des femmes et de façon générale, Al-Juhal ou bien Al-Juhala, les ignorants. Et ici, ça nous rappelle, comme on le sait tous et toutes, ou du moins la majeure partie des gens, des musulmans et musulmanes, que le fait d'être ignorant n'est pas toujours excusable. C'est un peu trop facile. Je suis ignorant, j'ai fait une erreur, donc Allah Azza wa Jal ne me pardonnera pas. Certes, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, invocation acceptée, comme a قال عليه الصلاة والسلام, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, walakin, ce n'est pas parce que tu es ignorant que, à coup sûr, tu seras pardonné. Et c'est pour ça que le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a rapporté comme a ja'a fi sahih talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La demande de la science, l'apprentissage, la recherche de la science est obligatoire et demandée à tout musulman. Ceci bien sûr en cadre musulman et musulmane. Donc ici c'est une obligation, car combien de personnes ici trébuchent, combien de personnes font des erreurs, combien de personnes tombent même dans le kufr, combien de personnes tombent dans ashirk, combien de personnes tombent dans adh-dhulm, combien de personnes tombent dans l'iniquité, l'injustice, etc., des choses détestées par Allah et son messager alayhi salatu wassalam, bisabab al-jahl, à cause de l'ignorance. Est-ce que pour autant ils seront pardonnés? Non, ça ce n'est pas une règle générale à adopter en islam, ayol ikhwat wal akhawat. Donc nous disons, craignez Allah azza wa jal. Et j'enjoins ma propre personne de craindre Allah Azza wa Jal. Et ici, apprenez votre science islamique. Combien de frères on a vu faire des erreurs concernant arkan ou salah, les piliers de la prière, ici dans la prière, et ils ne savent même pas. Et comme si ça ne nous concernait pas. Alors qu'il ne sait pas qu'il fait des erreurs dans la prière, il fait des erreurs dans le wudu, dans les ablutions. La sœur, elle fait des erreurs graves ici, avec ce qu'on appelle damul hayd, ou le comportement adopté face au sang des menstrues. Peut-être quelquefois elle prie alors qu'elle n'a pas à prier. Ah oui, quelquefois elle délaisse la prière alors qu'elle doit prier, car elle ne sait pas différencier damul istihada avec damul nifas, avec damul hayd. Et ça c'est des catastrophes qui se passent dans la communauté du prophète alayhi abdallu salatu wa taslim. Donc, il ne faut pas se plaindre. Si on fait partie des gens qui vont rencontrer al-Masih ad-Dajjal, et si on est amené à glisser, à trébucher et à être ici attiré par cette fitna, qui est la plus grande des fitnas depuis l'époque de Adam alayhi salam jusqu'au jour dernier. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit. Déjà, ici, avec les tentations ou les quelques tentations qu'on peut rencontrer de jour comme de nuit, à travers notre vie, tout au long de notre vie, on a tendance à glisser. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, fama baluka ya Abdallah fi dhalika al-yawm, que dire toi ya Abdallah, toi amat Allah, ce jour où on va rencontrer peut-être al-Masih ad-Dajjal, et on a parlé de lui dans les détails la semaine dernière. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahfazana. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver, de nous protéger contre cette épreuve. Pourquoi on demande ça à Allah Azza wa Jal? Car le prophète alayhi afdalu salat wa askat taslim a dit comme ça dans le sahih. Il a recommandé à sa communauté, bien plus que cela dans certaines versions, il a ordonné aux musulmans, aux musulmanes de dire à la fin de chaque prière, ba'd at-tashahhud qabla at-taslim, chercher protection auprès d'Allah azza wa jalla contre quoi? Bien sûr contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, d'accord, contre les épreuves de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, mais aussi à min fitnati al-masih ad-dajjal, contre la tentation, l'épreuve de le Messie ad-Dajjal. Taous, ici parmi les grands tabi'in, comme on l'a dit la semaine dernière, il ordonnait à son fils de refaire la prière quand il savait qu'il n'avait pas cherché protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces quatre choses dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint, et parmi elles, min fitnati al-Masih ad-Dajjal. Combien de musulmans, combien, et dis si tu veux, de milliers de musulmans ne savent même pas qu'il faut dire cette invocation avant at-taslim, ba'd at-tashahhud. Et c'est une catastrophe. Ici, on n'a rien sans rien. Le prophète, il y a 14 siècles, il a déjà éduqué as-sahaba pour qu'ils puissent chercher protection auprès d'Allah Jalla wa Ala contre cette fitna, dit si tu veux, la plus grande des fitnas depuis Adam alayhi salam jusqu'au jour dernier. Taous, il disait à son fils, refais la prière. Min al-mu'asirin Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit ça, c'est une preuve que c'est obligatoire. C'est obligatoire de faire ici cette invocation, chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jalla contre ces choses-là, et parmi ces choses-là, l'épreuve de le Messie ad-Dajjal. Combien de musulmans et musulmanes ne font pas cette invocation, ne recherchent pas protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'épreuve de le Messie ad-Dajjal? Lil asafi shadid, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Nuwasilu bi idnillahi Azza wa Jal. Ici, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala yunajji Allah tabaraka wa ta'ala al-mu'minin al-muwahhidin. Allah jalla wa ala, il sauvera les croyants, ceux qui se sont accrochés fermement à cette religion, qui sont convaincus des paroles divines et prophétiques, qui ont suivi comme il se doit Al-Qur'an wa Sunnah bi fahmi salaf al-umma bi nuzul Isa ibn Maryam. Ici, par la cause de la descente, avec l'aide, l'assistance de qui? Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Na'am, Isa alayhi salam, il va redescendre. Wa hada min asharat as-sa'a. Et ici al-Yahoud et ici an-Nasara, parmi eux, il y en a qui le reconnaissent. D'autres, ils vont considérer que ce n'est pas Isa, mais c'est un autre prophète. Walakin, de façon générale, du moins, al-Nasara, les chrétiens, ils reconnaissent. Ils diront que oui, nous attendons la descente de Isa. Elle est où la logique? Je parle de la logique, bien sûr, qui est conforme au Coran et à la Sunna, bifam, salaf al-umma. Ici, elle est où la logique? Alors que eux, ils disent que il a été crucifié, il est mort. Mais regardez l'islam, walillahi alhamd, comme Allah jalla wa ala, ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'ont détaillé, bit-tafsil, je dis bien, dans les détails. Ils ont rappelé, et avant cela, bien sûr, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, comme on va le voir, bi'idnillah azza wa jal, que Isa alayhi salam n'a pas été tué, n'a pas été crucifié, walakin il a été, bel rafa'ahu Allah. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Allah l'a élevé, Isa alayhi salam. Quand ils ont voulu tuer Isa alayhi salam, Allah jalla wa ala, il a fait qu'une personne a eu l'apparence de Isa alayhi salam. Donc ici, il a ressemblé tellement à Isa alayhi salam qu'ils ont tué cette personne en le prenant pour Isa alayhi salam, bel rafa'ahu Allah, mais plutôt Allah azza wa jalla élevé. Qala ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, corps et âme. Ici, Isa alayhi salam, il a été élevé auprès d'Allah jalla wa ala, maintenant, corps et âme. Est-ce que Isa alayhi salam est mort? Non. Il va redescendre? Oui. Mais pour quelle raison? Isa et pas les autres prophètes. On va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc Isa alayhi salam, il n'est pas mort. Certains vont dire il est mort. Et même peut-être certains musulmans vont dire il est mort. Et pourquoi? Parce qu'ils vont prendre ici certains versets coraniques sans les mettre dans leur contexte, sans les comprendre comme il se doit et sans réunir tous les textes sur un sujet. Et on avait dit cela, miraran wa tikrara man arada an yabqa da'iman wa abada bi idnillahi azza wa jalla ala al-wasatiyya yajibu alayhi wa yanbaghi an yajma' bayna an-nusus min kitabillahi wa min sunnati al-mustafa alayhi salatu wassalam. Celui qui veut rester toujours sur le juste milieu, al-wasatiyya, il lui est demandé de réunir toujours les textes, toujours de réunir les textes. Et même aqwal al-ulama, même les paroles des gens de science, comme on l'a vu à travers certaines paroles de savants qui ont été interprétés. Mais celui qui est toujours sur le wasatiyya, c'est celui qui réunit entre les textes du Coran et de la Sunna, bifahmi salaf al-umma, quand il rentre dans un sujet. Et même quand il parle d'un sujet concernant un sujet qui a été traité par al-ulama, par les gens de science. Un sujet qui n'existait pas, comme il existe au jour d'aujourd'hui dans les détails, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam par exemple. Et vous savez qu'il y a des situations qui ont existé après l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. D'où Ici, l'effort des gens de science, al-ulama, pour mettre en place des bases ou des règles de usul al-fiqh, les fondements du droit. Et ces règles-là, d'accord, ont été déduites, et ici d'où? C'est pas de je pense, je crois, je vois. Il y a l'istinbat, la déduction. Ils ont déduit ces règles à partir de quoi? Al-Qur'an wa sunna bifahmi salaf al-ummah. Walakin, pour pouvoir, ici, réagir, faire face aux situations nouvelles comme il se doit, tout en restant, ici, suivre le chemin de qala Allah wa qala ar-rasul bifahmi salaf al-ummah. Donc ici, il y a des gens, ils ont pris le verset coranique. Wallah jalla wa ala, d'accord, rappelle que Moussa, que Isa alayhi salam est mort. Mais de quelle mort on parle? Et de quel terme on parle? On parle du terme al-wafa. Allah jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, idh qala Allah ya Isa inni mutawaffik. Allah jalla wa ala, et je termine pas tout de suite le verset coranique, Allah jalla wa ala dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Isa, certes, je vais mettre fin à ta vie. D'accord? Mutawaffik. On parle de al-wafa. Donc ils ont dit, khlas, Allah azza wa jalla dit que Isa alayhi salam, Allah allait mettre fin à sa vie. Ici, nous disons, termine le verset coranique. On n'en est même pas au fait de réunir annonçons les autres textes du Coran et de la Sunna. Juste au moins, termine le verset coranique qui va nous expliquer déjà, simplement ce verset coranique, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu dire par al-wafa, mettre fin, la mort si on veut. Dans certains cas, ici Allah Jalla wa Ala dit, mutawaffika wa rafi'uka ilayya. C'est-à-dire mettre fin, donc on comprend à ta vie terrestre. Est élevé vers moi. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, wa ghayru min ahli al-ilm. Ils ont dit que al-wafa, quand ce n'est pas expliqué, d'accord? Ce n'est pas indiqué, ce n'est pas spécifié que ça indique ici al-maut, la mort, en général, ça veut dire ici la petite mort. Comme Allah Jalla wa Ala a utilisé ce terme dans le Coran al-Karim. Et ce terme, dans plusieurs versets coraniques, Allah Jalla wa Ala nous rappelle que ce terme ne veut pas dire la mort, d'accord? Al-maut, c'est-à-dire la mort qu'on connaît, la grande mort si on veut, mais ici, la petite mort. وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَكَمَا قُلْ كَمَا قَالْ Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-wafa peut être mentionné sans désigner al-maut. بَلْ يُرَادُ بِهَا الْمَوْتَةُ السُّغْرَى Mais il est voulu, ici, par ce terme al-wafa, la petite mort, يَعْنِ النَّوْمُ C'est-à-dire, par exemple, le sommeil. Car on sait que le sommeil, Akhul Maut, c'est quelque part le frère de la mort, d'accord? Et ici, la petite mort, ici c'est le sommeil, ou le sommeil plutôt, c'est une petite mort. Ad-dalil wa ala dhalik, la preuve de cela, il y a plusieurs preuves. Parmi les preuves, on va citer le verset coranique, où Allah Jalla wa ala dit, Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsiku allati qada alayha al-maut, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Ah, au cours de leur sommeil. Et Allah utilise le terme al-wafa. Au cours de leur sommeil. Ensuite, Allah il dit, il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens, pas pour tout le monde, hein, pour des gens qui réfléchissent. Allahumma ja'alna minhum. Et ici, ça c'est une preuve que Isa alayhi salam n'est pas mort, mais il a été élevé auprès d'Allah Jalla wa Ala, mais il mourra. Et pourquoi Isa alayhi salam n'est pas un autre prophète? On laisse ça à la fin du cours bi'idnillahi azza wa jalla. Il va mourir Isa alayhi salam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Jalla wa Ala l'a dit. Et il parle du prophète. Et c'est un message pour l'ensemble des êtres humains. Tu dois mourir et ils mourront. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à quoi? À éphémérité. Donc ne te crois pas ici invincible. D'accord? Ou alors immortel wal a'yadu billah. Ou n'essaye pas de fuir la mort. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que tu es en train d'essayer de fuir, ou que certains ici sont en train d'essayer de fuir, certes ça va les toucher. La mort va te frapper, elle va te frapper. Quand, comment et de quelle manière? Allah Ta'ala a'lam wa ahkam. Walakin al maut kullu nafsin dha'iqatul maut. C'est une haqiqa, une réalité. Et Allah l'a dit, toute âme goûtera à la mort. Allah Jalla wa Ala. Il clarifie, et avant ça, yaruddu Allah Tabaraka wa Ta'ala ala alladhina za'amu annahum qatalu Isa. Allah il va clarifier cette chose-là, mais avant cela, vous allez voir dans ce verset coranique, Allah va répondre à ceux qui ont prétendu avoir tué Isa. D'accord? Donc les chrétiens prétendent que quelqu'un ou un groupe a tué Isa. Les Juifs vont prétendre qu'un groupe parmi eux, d'accord, pour certains d'entre eux, vont le reconnaître qu'un groupe parmi eux avait, nous on va dire, voulu, mais pour eux, ont tué Isa. Mais Allah Azza wa Jalla, il rappelle une fois de plus dans le Coran al-Karim, et il dit, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بَنَ مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ensuite, plus loin, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah Jalla wa Ala, ici, il expose clairement, sans ambiguïté, ces versets. Il dit Allah Azza wa Jalla, à cause de leurs paroles. À cause de quoi? De leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ, Isa ibn Maryam. Donc eux, c'est ce qu'ils disent. Nous avons vraiment tué Isa, fils de Maryam, Marie. Et ici, Allah, il dit, or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant, avec une traduction approximative. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et là, Allah Azza wa Jalla, il dit, et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé, mais Allah Azza wa Jalla l'a élevé vers lui. Donc ici, nous disons, les preuves du Coran et de la Sunna, bifahmi salafi al-umma de la Sunna, on va voir les textes, inshallah ta'ala, nous montrent clairement que Isa alayhi salam a été élevé. Ibn Taymiyyah, wa ghayruhu min ahli al-ilm, ont bien dit, corps et âme. Donc Isa alayhi salam a été élevé. Ils ne l'ont pas tué. Ça aurait suffi de dire ils n'ont pas tué. Mais Allah Azza wa Jalla, il répond directement à ceux qui ont dit, Isa a été crucifié. Ils ne l'ont pas tué, ni crucifié. Wa ma qataluh, wa ma salabuh. Non, ni tué, ni crucifié. Dans les détails. Khlas, réponse claire pour dire que vos affirmations sont fausses. Et que Isa, alayhi salam, bari, il est innocent. Il n'a rien à voir avec ce que disent les chrétiens et les juifs sur lui. Walakin Isa alayhi salam redescendra pour affirmer son appartenance à la religion de la vérité qui est l'islam. La religion de soumission. La religion de Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Nuh, de Adam, de Ibrahim, de tous les prophètes et les envoyés qui ont existé. L'islam, le musulman, c'est une personne soumise. Soumise à qui? À Allah. Est-ce que Isa n'était pas soumis à Allah? Si. C'est ça la signification de l'islam. Est-ce que Isa n'était pas soumis à Allah? Si. Est-ce que Ibrahim n'était pas soumis à Allah? Si. Est-ce que Moussa n'était pas soumis à Dieu? Si. Même le chrétien et le juif te le diront. Donc nous disons, ils étaient tous musulmans. Walillahi alhamd. Les gens du livre, Ahlul Kitab. Donc on parle des gens du livre. Ahlul Kitab, ils croiront en lui. Et je parle de ceux qui vivront ces événements. Quand Isa alayhi salam, il va descendre, de quelle manière on va le voir? Sa description, on va le voir. Bi'idnillah azza wa jalla. Il va le descendre sur terre. Ils vont le voir, ils vont le reconnaître et ils vont croire en lui. Ahlul Kitab, ici avant sa mort, quand il va redescendre sur terre, ceux qui seront présents croiront en lui. C'est qui l'a dit? Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit alayhi salatu wassalam, il n'y aura personne parmi les gens du livre. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Ça, c'est des textes clairs, ayyuhal ahibb, qui nous rappellent encore une fois qu'on n'a pas besoin de parano, on n'a pas besoin de psychose. Surtout, et je le dis, je le répète, concernant des sujets qui font partie de alam ou al-ghaib, le monde de l'invisible, de l'inconnaissable. Al-ghaib, on parle de al-mustaqbal, le futur. Comme a dit l'ulama, donc on parle de tout ce qui est inconnaissable, invisible, le futur. Donc ici, on n'a pas le droit de rentrer dans... Je déduis qu'il y a ceci, cela. C'est pour ça que concernant les signes de la fin du monde, et particulièrement les grands signes de la fin du monde, on doit en rester là. Avec قال الله وقال الرسول بفهم السلف الأمة. C'est pour ça que concernant les grands signes de la fin des temps, on fait beaucoup de lectures. Car on n'a pas à sortir de là. Moi, est-ce que j'ai droit d'aller plus loin en disant, donc ici, Isa alayhi salam va descendre, et donc quand il va descendre sur la terre, il va sauver les musulmans. Ça veut dire peut-être que c'est telle armée qui va représenter Isa et qui va venir. Ah, c'est cette armée qu'on connaît dans tel endroit. C'est gros. Voilà, les gens, ils le font avec Ad-Dajjal. Ils le font avec Ya'juj wa Ma'juj. Ils le font avec Isa alayhi salam. Et ils font rentrer la jeunesse. Et ils font rentrer... Ah, ils font rentrer encore les ignorants. Ils font rentrer encore les ignorants. D'accord? Dans quoi? Dans l'égarement. Parce que celui qui a une conviction claire, fondée sur le Coran et la Sunna bi fahmi salafi al-umma, il a une aqida ferme, une croyance ferme, et il a bien compris cette religion, fa wa rabbil ka'ba, sur ces sujets-là, il lui dira tout le temps, et il dira tout le temps à celui qui prétend, قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apportez vos arguments, vos preuves si vous êtes véridique. On ne peut pas aller au-dessus de cela. Comme on avait déjà expliqué, c'est extrêmement étonnant. C'est très étonnant. C'est impressionnant de voir des gens qui ont réussi à dire que Al-Masih Ad-Dajjal, c'est une armée. C'est des gens. C'est une secte. Ça existe à notre époque. C'est des gens qui représentent Al-Masih Ad-Dajjal à travers ceci. Alors qu'on a bien décrit, à travers le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma, que le Masih Ad-Dajjal, c'est un descendant de Adam alayhi salam. Et que le Masih Ad-Dajjal a une description bien spécifique, dans les détails. Et que c'est une personne. Il n'y en a pas mille, une. Et après cela, les gens vont apporter, je crois, je vois, je déduis. Ce n'est qu'un égarement. Et ça, c'est un excès al-roulou. C'est un excès, ici, dans la religion, al-iyadu billah. Al-Masih Ad-Dajjal, on l'a décrit. Isa ibn Maryam, on va le décrire bi-idhnillah azza wa jal de façon bref et résumée. Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, ici le prophète alayhi salatu wa sallam a rappelé qu'il était de taille moyenne. Il avait ici une couleur de peau, d'accord, rougeâtre, c'est-à-dire ici un peu, c'est-à-dire blanche avec une petite teinte rougeâtre, si on peut appeler ça comme ça, je pense que vous m'avez compris. Donc un peu rougeâtre son teint, rapporté par al-Bukhari. Ici le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un hadith: Ra'aytu Isa wa Musa wa Ibrahima fa ahmar ja'dun 'arid as-sadr. Il a décrit ici le prophète alayhi salatu wa sallam Isa alayhi salam, et il a dit le prophète alayhi salatu wa sallam: j'ai vu non seulement Isa, mais j'ai vu Ibrahim et Moussa. Il les a vus alayhi afdalus salatu wa azka taslim. Et il dit ici il était brun, et ici ja'dun, les ulama, ils ont expliqué que ça désignait un corps dont on a, d'accord, donnant une impression assez forte, c'est-à-dire une personne assez robuste, d'accord. Certains se sont tenus ici à la définition de ja'd, c'est-à-dire par rapport à sa chevelure. À la kulli hal, aussi le prophète il dit la poitrine large. Donc on voit que c'était une personne, ou c'est une personne, on peut dire, on dit pas c'était, une personne assez carrée, robuste. D'accord? Ses cheveux, comment ils sont ses cheveux? Le prophète les a décrits. Alayhi salatu wassalam. Rapporté par al-Bukhari, je prends une partie du hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit une chevelure qui descendait en dessous de ses oreilles. Alayhi salatu wassalam. Des plus belles chevelures que l'on puisse voir. Ça descend. Il va descendre. Naam. Pourquoi on dit il va descendre? Car il va réellement descendre. De quelle manière? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit, et je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce hadith-là. On va le citer, incha'Allah ta'ala. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné une chose dans ce hadith-là qui n'existait pas, comme disent les ulama, à son époque dans ces détails-là. On va le voir. On va parler de sa description physique, et on va parler de sa descente, et de l'endroit exact où il va descendre, ici, Isa alayhi salatu wassalam. Et on va parler de ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans les détails, rapporté par Muslim. Donc c'est des hadiths authentiques, il n'y a aucun doute sur cela. Rapporté par l'imam Muslim. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: alors Allah jalla wa ala enverra le Messie, Isa al-Masih, Isa ibn Maryam. Il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas. Du minaret blanc à l'est de Damas. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il mentionne qu'à son époque, en l'an 741, les musulmans restaurèrent le minaret en utilisant des pierres blanches. Et certains savants ont dit que le minaret, il a été financé par des chrétiens après qu'il l'ait brûlé. Et ici, on ne rentre pas dans les détails. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. C'est ce qui est dit. Hada maqil. Ici, c'est ce qui est dit. Ala kulli hal, Ibn Kathir, il dit, il a été rénové, construit à l'an 741 de l'Égypte avec des pierres blanches. 741 de l'Hijr. Et le prophète alayhi salatu wassalam, une preuve de plus qui nous montre que le prophète ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, il précise la couleur. Alors que ces pierres blanches ici ont apparu concernant ce minaret qu'à l'an 741 de l'Hijr, comme le mentionne Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, il descendra près du minaret, il dit blanc. Ajib, alors qu'il n'était pas blanc et il n'existait pas ici de la sorte à son époque, alayhi salatu wassalam, du minaret blanc à l'est de Damas. Et ceux qui vont là-bas, ils se rendent là-bas, ils le verront. Et ils verront ces pierres blanches clairement. Claire. À l'est de Damas, vêtues de deux pièces d'étoffe de teinte jaunâtre. D'accord? Deux pièces d'étoffe de teinte jaunâtre. Posant les mains sur les ailes de deux anges, alayhi salam. Et lorsqu'il baissera la tête, elle ruissellera, et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains pareils à des perles. Comme les gens de science ont dit, c'est comme si on avait déversé de l'eau ici sur sa tête, sur sa chevelure. Il baissera sa tête et il la relèvera. Le prophète a détaillé même ici comment il va se comporter, d'accord, quand il va descendre, pendant sa descente, alayhi salatu wassalam. Et ici, il posera ses mains. Il y aura deux anges, deux étoffes de couleur jaunâtre. Il va descendre avec deux anges, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Lorsqu'il baissera la tête, elle ruissellera, et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains pareils à des perles. Il incombera à tout mécréant qui sentira son haleine de mourir, tandis que celle-ci s'étend là où s'étend sa vue. Tandis que celle-ci s'étend là, c'est-à-dire son haleine, où s'étend la vue. Toute personne qui n'a pas cru, ici quand il sentira l'odeur, il mourra. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alors il le cherchera. Qui ? Al-Masih ad-Dajjal. C'est qui va le chercher ? C'est Isa alayhi salam. Et on a dit à cette époque qu'il sera, il y aura Al-Mahdi, le bien guidé, Muhammad, fils de Abdullah. Donc on en a parlé. Donc ici il y a Isa alayhi salam. Quand il ici verra Al-Masih ad-Dajjal, il le poursuivra pour le tuer. Puis des gens ici, ou plutôt comme le prophète alayhi salam a dit, alors il le cherchera, le faux messie, jusqu'à le rattraper près de la porte de l'Oud. D'accord? Près de la porte de l'Oud. Et cet endroit-là, il est où? Fi Palestine. Ici, c'est en Palestine. À côté, ou un village qui est à côté d'où? C'est un village qui est à côté et qui existe au jour d'aujourd'hui. Et qui n'existait pas à l'époque du prophète alayhi afdalus salat wa as-salam. C'est-à-dire ces termes-là, la porte de l'Oud, comme l'ont dit certains gens de science, c'est un endroit ou un village près de Tel Aviv, en Palestine. Et ici, il dit, alayhi salatu wassalam, il le poursuivra près de la porte de l'Oud et le tuera. Puis des gens qu'Allah avait préservés de lui, c'est-à-dire du faux messie, al-Masih ad-Dajjal, se rendront auprès de Isa ibn Maryam, auprès de Isa, après qu'il l'ait tué. Mais on reviendra sur ce passage-là. Ici, il essuiera leur visage et leur parlera de leur rang au paradis. Et on avait dit, dans les grands signes de la fin des temps, on va voir des bonnes annonces ici, tout ce qui concerne les bonnes annonces, et on va voir aussi des mauvaises nouvelles. Et parmi les bonnes annonces et les bonnes nouvelles, il y a cette scène-là. Isa alayhi salam, après avoir tué ici al-Masih ad-Dajjal, de quelle manière, avec quelle arme, de quelle façon, on va le voir bi-idhnillah azza wa jal, il essuiera les visages des croyants qui ont réussi à s'éloigner de cette tentation, à ne pas tomber dans le panneau. À cause de quoi? Par la cause de la science qu'ils avaient. Parce qu'on avait dit, ceux qui vont se faire avoir, la majeure partie, ce sont des ignorants. Clair? Et parmi les moyens de se préserver de l'Masih ad-Dajjal, c'est quoi? C'est de prendre aussi la fuite. Et on sait que l'Masih ad-Dajjal, il viendra aussi à Médine et Mecca. Mais, ou plutôt, il ne rentrera pas à Médine et Mecca. Parmi les endroits, il y a quatre mosquées aussi, comme on avait vu. Est-ce que c'est parce qu'une personne se rendra à Médine pendant qu'il y a l'Masih ad-Dajjal qui sera préservé de cette tentation? Non. On avait rapporté ici la parole de Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. D'accord? Quand on l'a invité, un compagnon l'a invité ici à venir le rejoindre dans ici les terres bénies, c'est-à-dire Hacham, qu'est-ce qu'il a dit? Inna al-ard, ici la terre ne bénit personne, mais ce sont ses actions. Donc il a rappelé que c'est pas parce que tu es dans une terre bénie que toi automatiquement tu seras une personne bénie. Donc c'est tes actions. Donc ici, une personne peut être à Médine, entendre ce qui se passe avec Al-Masih ad-Dajjal, être attiré, et lui-même, sans que Isa rentre, lui-même sort. Comme il y a des gens qui peuvent être à la Mecque, mais à travers les moyens qu'on a de communication, de radiodiffusion au jour d'aujourd'hui, à la Mecque même, il peut se retrouver, d'accord, de façon virtuelle, à l'autre bout du monde, ou même à Hollywood. C'est possible. Pourtant, il est où? Il est à la Mecque. La terre la plus aimée d'Allah Azza wa Jal. Que dire de l'époque de Al-Masih ad-Dajjal, où cette tentation est la plus grande des tentations, la plus grande des épreuves qui aura existé. Donc ça veut dire plus grande épreuve que cette grande épreuve qui est Internet. Plus grande que cette grande épreuve qui est la télé. Cette grande épreuve qui est les femmes. Cette grande épreuve qui est, je ne parle pas de toutes les femmes, bien sûr, mais je parle de certaines femmes qui font tout pour égarer les gens du sentier de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, etc., etc. L'argent, la musique, toutes les choses qui attirent l'être humain. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Que dire de l'époque de Isa, ici, le fils, donc, de Maryam, l'époque de Mahdi, l'époque de qui? Al-Masih, Al-Masih ad-Dajjal. On continue, inshallah ta'ala. Pourquoi Isa alayhi salam et pas un autre prophète? Il y a des raisons. Pourquoi c'est Isa qui va redescendre et c'est pas Ibrahim, c'est pas Moussa, c'est pas, pourquoi ce n'est pas un autre prophète? Première des choses, nous disons, parce qu'Allah a décidé ainsi. Tout simplement. Première des choses, Allah Jalla wa Ala, il fait ce qu'il veut. Et dans toute chose qu'Allah Azza wa Jalla a décidé, il y a certes un bien pour la communauté du prophète Muhammad alayhi afdalu salatu wa azkat taslim. C'est pour ça que Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix, juste, bah attends, je choisis, t'as pas le temps, et t'as pas le droit, et tu peux pas. D'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, s'il te l'impose, c'est qu'il sait que tu es faible, tu connais pas le ghaïb, tu ne connais pas l'inconnaissable. Quand il t'impose une chose, quand il te l'ordonne, c'est que c'est un bien. Même si tu le vois pas tout de suite ce bien-là. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ici, tu peux avoir de l'aversion envers une chose, alors que c'est un bien. Et tu peux aimer une chose, être attiré par une chose, mais c'est un mal. Allah, il sait, vous ne savez pas. Clair? Donc nous disons, c'est un bien, donc c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir le choix. D'accord? On n'a pas le choix dans notre façon d'agir. Clairement. Donc nous disons, Allah en a décidé ainsi. Mais les savants ont fait ici des ijtihadats, des efforts d'interprétation. D'accord? Conformément au Coran, à la Sunna, bi fahmi salaf al-umma, qui ne s'oppose pas au texte du Coran et de la Sunna. Parmi ces raisons-là, c'est pour rappeler que Isa alayhi salam a innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Isa alayhi salam, c'est quoi? C'est un ange. Isa alayhi salam, c'est le fils de Dieu. Abadan, non. C'est un Dieu. Non. C'est un être humain. Pour rappeler qu'il mourra et que vous devrez faire la prière sur lui, que vous devrez l'enterrer. Et il ne convient pas à un être humain, d'accord, de mourir dans un endroit autre que l'endroit où meurent les êtres humains. Est-ce que Isa alayhi salam, ici, Allah azza wa jalla, le prophète alayhi salam a dit, il va mourir dans le paradis ou il va mourir dans... Non, Allah azza wa jalla, il remet chaque chose à sa place. Allah l'a élevé, voilà qu'il redescendra pour mourir comme tous les êtres humains meurent. Ça nous pousse à ne pas rentrer dans l'exagération. Comme l'ont fait certaines personnes égarées, même dans la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Avec al-awliya, avec des saints. Certes, peut-être ils sont saints. Wala nuzakki alallahi ahada. C'est qui nous l'a enseigné ces paroles-là? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. L'excès d'éloge. C'est qui nous a enseigné de ne pas rentrer trop dans l'excès dans l'éloge, tout en sachant que, quelquefois l'éloge, comme le prophète a dit dans Sahih Muslim, c'est une bouchra, une bonne annonce de la part d'Allah Azza wa Jal pour son serviteur. Voilà qu'il y a des règles dans l'éloge. Et rentrer trop dans l'excès, dans l'éloge, et surtout envers une personne qui ne le mérite pas, c'est interdit. Mais nous disons, وَنَحْسَبُهُ كَذَلِكُ وَلَا نُزَكَ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ces paroles prophétiques, et ils rentrent dans l'excès avec certaines personnes qui, peut-être ils ont été des personnes pieuses, des personnes, on peut même les appeler awliya, peut-être, dans certains cas d'après ce qu'ils ont prouvé, walakin, dans le sens que on peut l'adorer, le vénérer, le prendre comme intermédiaire et certifier que c'est un wali, c'est un pieux, c'est un saint, c'est un... Non, qui t'a dit ça? Est-ce que tu as une révélation? Non. Et on sait qu'à la base, al-awliya, comme a dit l'ulama à travers les textes prophétiques, comme Allah Azza wa Jalla les a décrits, ce sont qui? Ce sont les pieux. Une personne pieuse, ici peut-être un wali. Walakin, qui exactement est certifié que c'est un wali? Est-ce que ça nous appartient? Wala nuzakki ala Allahi ahada. Wala hasabuhu kadhalik. D'accord? Nous on espère cela de lui. Mais on va pas plus dans l'excès. Donc Isa va mourir. Et on va faire la prière sur lui, na'am. Ils vont l'enterrer, na'am. Donc il va mourir comme tous les êtres humains. Donc pas d'exagération. Parmi les choses, ou parmi les sagesses pour lesquelles Isa, alayhi salam, va redescendre, c'est pour montrer à Aynul Yaqin, l'œil de la certitude. On m'a pas tué, on m'a pas crucifié. Je suis là, je suis vivant. Donc, la logique, donc elle est claire. La logique qui est exposée clairement dans le Coran et dans la Sunna. Donc Allah Azza wa Jalla l'a élevé, il va redescendre sur terre. Comment ça? Allah l'aurait tué. Il est mort, il va redescendre sur terre. Certes, Allah fait ce qu'il veut. Mais regardez la logique qui est conforme au Coran et à la Sunna. Allah l'a élevé. D'accord? Mais il a mis fin temporairement à sa vie terrestre. Voilà comment on comprend Al-Wafa. Et il va redescendre sur la surface de la terre. Et pour rappeler, écoutez bien, rappeler à ceux qui sont rentrés dans l'excès, d'accord, concernant sa propre personne, je n'ai rien à voir avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous. Ma huwa ad-dalil, c'est quoi la preuve? Qala Rasulullah alayhi salatu wa salam, quand il va descendre Isa alayhi salam, il va casser la croix, tuer al-khinzir, le porc. Et ici, stopper ce qu'on appelle al-jizya, il va plus la prendre. Ça veut dire quoi? Casser la croix, ici, c'est comme si Isa alayhi salam leur montrait, leur disait, pourquoi vous êtes rentrés dans l'excès? Pourquoi vous m'avez représenté par cette croix? Pourquoi vous vous êtes prosterné sur cette croix? Je n'ai rien à voir avec ça. Ana bari'u minkum. Comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran al-Karim, quand il rappelle cette conversation avec Isa alayhi salam, quand il a dit, ici, Isa alayhi salam, ce n'est pas moi qui leur a dit de m'adorer. Isa alayhi salam, quand Allah va l'interroger, bien qu'il sache, ici pour que ça soit clair, des versets clairement exposés, moi je n'ai rien à voir. Moi j'ai jamais demandé de qu'il m'adore. Wal'iyadu billah. C'est pour ça que nous disons at-tagout. Man 'ubida min duni Allah jalla wa ala wa radiya bidhalik. At-tagout c'est qui? D'accord? Man jawaza al-had, comme a dit les ulama, celui qui a dépassé les limites. C'est celui qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tout simplement non. Parmi at-tawarit, il y a ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, et qui acceptent, ils sont d'accord, ils agréent cette adoration. Si une personne, un acteur, un footballeur, une personne, peu importe, même s'il est dans l'égarement, clair? Ici, il est adoré par certaines personnes et il dit, moi je suis contre qu'on rentre dans l'excès, dans les éloges, qu'on me prend comme une idole, etc. Est-ce que ça fait pour lui, d'accord, ou de lui pour autant un tarout? Non, parce que les règles, il faut bien les connaître dans les détails, les mettre en application et mettre chaque chose à sa place. وَرَضِيَ بِذَلِكَ. Il accepte cela. Sinon, nous disons que Isa, ou nous dirons que Isa alayhi salam, c'est un وَالْعِيَذُ بِلَا tarout. Parce qu'il est adoré ou pas? Isa alayhi salam, il est adoré. Donc certains ont dit que c'est Dieu, d'autres ils ont dit que c'est le fils de Dieu, d'autres se prosternent pour lui, d'autres se prosternent pour soi-disant une croix et avec un homme ou une statue qui le représente, d'accord? Et ici, ils disent c'est notre Seigneur. Et ils invoquent Isa alayhi salam. Est-ce que Isa alayhi salam tatarou? Non. Est-ce qu'il est d'accord de cela? Non. Il va descendre et il va casser la croix. Clair? Il va tuer le al-khinzir qui à la base, al-asl, al-khinzir, c'est haram, عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين. À la base, c'est interdit. La viande de porc, elle est interdite à la base chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans. Clair. Nous, on n'a pas le droit d'imposer notre religion aux autres. لا إكراه في الدين. لكم دينكم ولي الدين. À vous votre religion, à nous notre religion. Comme on les respecte, d'accord, on a le droit à un respect. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une religion que ça veut dire qu'on doit faire la guerre avec eux. Abadan, le prophète a vécu avec les juifs. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu des cadeaux des juifs. Le prophète alayhi salatu wassalam a été invité par des juifs. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc il a vécu avec des juifs, il a commercé avec des juifs, il a reçu des cadeaux des juifs. Alayhi afdalu salatu wassalam, sadaqa jalla wa ala idh yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le message d'Allah alayhi salatu wassalam un excellent exemple. Donc nous avons dit ici que Isa tuera le porc pour nous rappeler que il dira je me désavoue de cet animal qui était illicite, même dans le christianisme à la base. Même dans le christianisme. Et combien de règles ont été abandonnées, l'île Asaf, malheureusement, par les chrétiens et par les juifs. Comme le hijab. Le hijab, le djilbab, le hijab al-shar'i, il fait partie du judaïsme et du christianisme. Et c'est pour ça que vous voyez des femmes juives, même au jour d'aujourd'hui, qui mettent le djilbab al-shar'i, le hijab al-shar'i. Et vous voyez des femmes, ici, chrétiennes, qui mettent, bon, même un voile qui renferme plus de pudeur que certaines, sans généraliser, musulmanes au jour d'aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Allez voir certaines nonnes. Tu la vois de derrière, tu dis c'est une musulmane ou une chrétienne. Ajib. Mais certaines musulmanes, tu vas aller voir de derrière, de devant, sur le côté, d'en haut ou d'en bas, c'est pareil. Tu dis Allahu musta'an, hadithu la haraj. Voilà qu'une certaine nonne, tu vois, pourquoi ces traces-là? Pourquoi ce vêtement-là, qui couvre leurs cheveux, et qui est large, et qui couvre de la tête aux pieds, sauf le visage et les mains? Pourquoi? Parce que c'est dans le christianisme. Est-ce que vous croyez qu'ils l'ont inventé ou pas? Allez voir dans les églises. À l'époque, les femmes et les hommes étaient séparés. Et même eux et certains dans les églises se plaignent, certains, parmi les prêtres, les curés, les pasteurs, certains se plaignent. Et ils disaient, pourquoi à l'époque on était comme ça, maintenant on a tellement négligé notre religion que tout le monde est mélangé dans les églises. Et n'importe quel chrétien vous le dira. Oui, il y a une époque, c'est vrai, où c'était vraiment une honte et c'était impossible de rentrer dans une église alors qu'on n'avait pas la tête couverte. Et alors qu'on était mélangé avec les hommes. La preuve que c'est des choses qui ont été délaissées, et maintenant on croit que c'est nouveau dans la religion de l'islam. Eh ben dame, ça existe dans le christianisme, ça existait dans le judaïsme, et ça existait, et ça existera toujours, bi-idnillah azza wa jal, et ça existe dans l'islam. Mais l'islam est venu pour remettre chaque chose à sa place. D'accord? Alhamdulillah qu'Allah a descendu le dernier livre, et qu'il a envoyé le dernier des prophètes, Muhammad alayhi salatu wa salam. Ah, le dernier des prophètes. Mais le prophète est mort ou pas? Mais Isa alayhi salam, est-ce qu'il va redescendre? Il va redescendre. Donc Isa va venir après le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc ça veut dire que le dernier des prophètes, c'est pas Muhammad, c'est Isa alors. Le dernier des prophètes, c'est Muhammad alayhi afdalus salatu wa taslim. D'accord? Isa alayhi salam, il a vécu à une époque. Allah l'a élevé. Il va redescendre sur terre pour mettre en application la législation du dernier des prophètes Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc il va rien apporter de nouveau. Donc le dernier des prophètes qui va venir avec une législation nouvelle, c'est Muhammad alayhi afdalu salatu wa taslim. Le sceau des prophètes, comme lui-même l'a dit, alayhi salatu wa salam. Donc Isa alayhi salam va descendre. Donc ici pour rappeler, ne rentrez pas dans l'excès. C'est un être humain. On va l'enterrer. Ils vont faire la prière sur lui, c'est-à-dire les musulmans. Pour rappeler, je n'ai rien à voir avec vous. Le jour où le prophète alayhi salatu wa salam a dit Ahlul Kitab, ils croiront en lui. Donc ils vont voir, ils croiront en lui. Ici Isa alayhi salam montrera, je n'ai rien à voir avec vous. Parce que ça, c'est de l'injustice qu'ils ont fait. Certains qui sont tombés dans ce qu'on appelle Ash-Shirk. Allah Jalla wa Ala, il parle de Luqman et il dit, hikayatan an Luqman, quand il exhorte son fils, Yabunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ne donne aucun associé à Allah Azza wa Jalla. Certes, l'association, c'est une grande injustice. Adhulm. Ici, c'est des ténèbres au jour de la résurrection. Adhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. Et l'injustice, peu importe, d'accord, quel type d'injustice, que dire de la grande injustice. Peu importe quel type d'injustice, ça se paye un jour ou un autre. Et souvent, Allah Azza wa Jalla scandalise les oppresseurs, ici-bas avant le-delà. C'est connu ou pas? Les plus grands des oppresseurs, bien qu'ils ont eu la puissance, bien qu'ils ont eu de l'argent, bien qu'ils ont eu de la notoriété, est-ce qu'on a vu à travers l'histoire qu'Allah Jalla wa Ala les a scandalisés ici-bas, avant dans le-delà? Avant le-delà? Na'am. Que dire de celui qui a fait la plus grande des injustices, al-dhulm, ici qui est al-shirku billahi Jalla wa Ala, l'association. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va les scandaliser ici-bas avant le-delà? Na'am, la preuve, regardez. Ils vont croire en lui, Isa va descendre, et il va dire, Anabari ominkum. Moi, je n'ai rien à voir, je suis innocent de vous. Car Allah Azza wa Jal, il fait apparaître al-haq, la vérité, ici-bas, souvent, avant le-delà. D'accord? Il fait éclater la vérité devant les gens. Surtout quand ça concerne des gens qui sont tombés dans al-dhulm. Wa sadaqa jalla wa ala idh yaqul wa qul ja'a al-haq wa zahaqa al-batil. Inna al-batil kana zahuqa. Il dit, la vérité est venue, le faux s'en est allé, le faux est voué toujours à quoi? Le faux est voué toujours, ça c'est une réalité, il faut le croire et le comprendre, c'est toujours voué à disparaître. C'est pour ça que l'injuste, il ne résiste pas longtemps. Il ne dure pas longtemps. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, man tawada'a lillahi rafa'a. Comme fait Sahih Muslim, celui qui se rabaisse, il agit avec humilité. Il se rabaisse. Pour Allah, Allah l'élève. Contrairement à l'injuste, Allah Jalla wa Ala, il lui laisse un délai. Comme a dit Afi Sahih, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Allah il laisse un délai à l'injuste pour qu'il revienne, pour qu'il se repente, etc. Et quelquefois il le laisse noyer dans son injustice. Et quand il le prend, ici il ne lui échappe pas, comme a qala alayhi salatu wasalam. Il y a un moment ou un autre, il paye, et cela est prouvé à travers l'histoire et les différentes histoires qu'on peut voir et relater par al-ulama. Donc ici c'est parmi les sagesses. Ici de la descente de Isa alayhi salam qui ici va régner bi-idnillah azza wa jalla, plutôt répandre l'équité et la justice. Et pourquoi il va répandre l'équité et la justice? Car il va mettre en application la législation de Muhammad alayhi salatu wa salam. Il va la refaire vivre, d'accord? Comme il se doit. Et pourquoi l'équité et la justice? Parce que toute personne qui se conforme à قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة ne peut vivre que l'équité et la justice si bien sûr cette personne-là a eu les capacités de répandre ces paroles-là, d'accord, un peu partout. Par exemple, c'est un hakim, c'est un juge, c'est un roi, un gouverneur. Quand il le fait dans son pays, ici vous allez voir l'équité et la justice dans le pays. Mais quand on voit qu'on s'éloigne de la législation de Muhammad alayhi salatu wa salam, on voit beaucoup d'inéquité et d'injustice. Et quand on s'éloigne ici des commandements prophétiques et divins, donc on s'éloigne de l'équité et de la justice, donc on s'éloigne de le baraka, la bénédiction. Donc c'est pour ça que les gens se plaignent. Pourquoi il n'y a pas de pluie? Pourquoi il n'y a pas de bien? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a la misère? Pourquoi il n'y a pas l'amn, la sécurité? Contrairement à l'époque de Isa alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'on a dit il va venir avec al-haq. Il va mettre en application cette sharia. Et la preuve que si on applique et on vit avec qala Allah wa qala Rasul, on vivra ici dans la tranquillité. On vivra dans la sérénité. Et on rencontrera des biens. Tu sentiras ton argent parce qu'il y a le baraka, la bénédiction. Même si tu as peu, tu auras le baraka. Ton temps, tu vas le sentir parce qu'il y a le baraka. Même si tu as peu de temps, tu vas le sentir. Il y a le baraka, la bénédiction. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah l'a dit. Celui qui se rappelle, qui s'écarte de quoi? De mon rappel, le Coran, la Sunna, etc. Il vivra une vie plein de gêne. Et on le ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal aveugle, comme a dit Subhanahu wa Ta'ala. Mais Isa alayhi salam, non, ça sera l'inverse, le résultat. Qala Rasulullah alayhi salatu wa salam. Alayhi salatu wa salam, il a rappelé. Ici, dans le hadith rapporté par Muslim. Ensuite, Allah enverra une pluie à laquelle ne résistera ni maison faite d'argile, ni faite de poils, et il lavera la terre qui laissera telle un miroir, puis on commandera à la terre. Voilà ce qui va se passer. Fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions al-barakat. En ce jour, une troupe mangera d'une grenade et ils pourront s'abriter sous son écorce. Le lait sera béni au point que la traite d'une chamelle suffira à un grand groupe de gens. La traite d'une vache suffira à une tribu et la traite d'une brebis suffira au clan d'une tribu. Comme le prophète alayhi salatu wassalam ici a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'équité. Pourquoi il y a eu cette équité? Parce que la loi ici divine a été mise en application. Isa alayhi salam, d'accord, à son époque, il y aura cela. On va rapporter un autre hadith. Avant cela, on rappelle que Isa alayhi salam fera les tours autour de la Kaaba. Ah. Isa alayhi salam, il va redescendre aussi pour montrer clairement. D'accord? Je prie. Donc, je prie comme le prophète a prié. Il va prier comme le prophète a prié pour certifier, rappeler qu'il est musulman et qu'il adhère aux pratiques de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il va prier. Tous les prophètes ont prié. Maryam a prié. Mais chacun avait sa manière de prier. Walakin, le prophète alayhi salatu wassalam, il a prié aussi. Et il a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Mais cette manière-là n'était pas la manière connue à l'époque de Maryam, à l'époque de Isa. Mais là, il va prier comme le prophète alayhi salatu wassalam a prié. La preuve, on avait dit qu'il va descendre et il va se rendre à la mosquée et à salat al-subh. Et ici, al-Mahdi va lui dire, avance. Et ici, Isa alayhi salam, il voudra pas. Et il va dire al-Mahdi d'avancer. Et il va prier al-Mahdi et derrière lui, il aura qui? Isa alayhi salam. Mais il va faire aussi le tawaf. Il va faire al-Hajj. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ou bien al-Umra ou bien les deux à la fois. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith rapporté par Muslim, par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Maryam, formulera dans le ravin ici de Rawha. C'est un endroit bayna Mecca ou al-Madina, entre la Mecque et Médine. L'intention d'accomplir le pèlerinage et la Umra ou les deux à la fois. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les prophètes sont des frères consanguins. Leurs mères sont différents, mais leur religion est unique. Tous les prophètes ont eu la même religion, c'est-à-dire l'islam. Aussi, je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il y a entre moi et lui aucun prophète, alayhi salatu wassalam. Il descendra certes. En son temps, Allah anéantira le faux messie. La paix se répandra sur terre de telle manière que les lions iront paître avec les chameaux, les léopards avec les vaches, et les loups avec les moutons, et les enfants joueront avec les serpents qui ne leur feront pas le moindre mal. Ça, c'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Ça nous rappelle quelle époque, quelque part? L'époque de? On l'avait dit, c'était à son époque où il y avait cette sécurité là, d'accord, jusqu'à ce que les troupeaux de moutons, d'accord, ici, ils pouvaient être en harmonie, même s'il y avait des loups, il y avait la justice, l'équité, la sécurité, de par ça, Omar ibn Abd al-Aziz, de par ça, sa justice. Radiyallahu anhu arda, Abu Huraira rapporte, et le hadith est rapporté par Muslim, par Allah, le fils de Maryam, descendra en tant que juge équitable. Il abolira la capitation, on délaissera les jeunes chamelles, et personne n'y prêtera attention, c'est-à-dire, pourquoi les chamelles? Car ça a une grande importance, d'accord? Pour eux, ça aura une grande importance, et il donne une image pour les gens, d'accord, qui auront de l'attirance par les choses importantes. Toute personne d'accord, qui détiendra une chose qui a une grande importance à ses yeux, il la délaissera. Pourquoi trop de richesses? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, l'inimité, la haine, ainsi que le hasad, la jalousie disparaîtront. Il invitera à prendre de l'argent, mais personne ne l'acceptera. Clair? Personne ne l'acceptera. Et on avait dit ici que Isa alayhi salam descendra. Donc à la prière de As-Subh, rapportée par Muslim, il cherchera Al-Masih ad-Dajjal jusqu'à le rattraper. Après la prière, donc ici on ouvrira, il ordonnera d'ouvrir la porte de la mosquée. Et il y aura Al-Masih ad-Dajjal. Et ici quand on lui montrera, et on a déjà parlé de Al-Masih ad-Dajjal, comment il va se dissoudre comme se dissout le sel dans de l'eau. Quand il va voir ici, Isa alayhi salam, celui qui a répandu ici des calamités, des désastres sur la surface de la terre. Il va le voir, il va dissoudre comme le sel dissout dans l'eau. Il va le pourchasser, il va le courir après, comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a rattrapé, et il va le rattraper près de la porte de Loud. D'accord? Comme a dit alayhi salatu wasalam, bibab Louddin, village proche de Tel Aviv. Fayaqtulu, il va le tuer avec une arme. Une arme qui est plus petite qu'une épée, plus grande qu'un couteau. Il va, quelque part, le planter si on veut. Et quand il va retirer cette arme-là, il va brandir cette arme-là et lever sa main pour montrer le sang, d'accord, et rassurer, réconforter les croyants et les croyantes et montrer bien qu'il a tué Al-Masih ad-Dajjal. Et là, à ce moment-là, il ira vers les croyants, Isa ibn Maryam, et il essuiera leur visage, d'accord, et il leur parlera de leur rang au paradis. Ah, une bouchra, une bonne annonce. Il va les réconforter, Isa alayhi salam. Donc, alhamdulillah, Al-Masih ad-Dajjal, il est mort. Walakin, une grande fitna arrive tout de suite après. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal va révéler à Isa alayhi salam de partir, d'accord, vers At-Tur avec les croyants, car il y a des gens qui sont présents et personne ne pourra les combattre et les battre parmi vous. Prenez la fuite vers At-Tur. Ces gens vont venir et ils descendent de Adam. Ce sont des êtres humains. Na'am, on rentre pas encore dans la psychose. Le prophète les a détaillés, comme on va le voir inshallah ta'ala. Ce sont des êtres humains. Et ils vont tous saccager sur la surface de la terre quand ils trouveront quelque chose à saccager. Et ici, Allah va révéler à Isa alayhi salam de partir vers At-Tur avec les croyants et les croyantes. Et elle, ici, Isa alayhi salam partira. Et Ya'juj et Ma'juj. D'accord? Ces êtres humains-là seront sur la surface de la terre et ils vont déferler. Allah Jalla wa Ala, on a parlé de Ya'juj et Ma'juj avec Dhul Qarnayn dans le Coran, bit tafsil dans les détails, ainsi que Muhammad alayhi salatu wassalam, et on va en parler la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Concernant Isa alayhi salam, il va mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé dans Sahih qu'il va mourir et que les croyants ici feront salat al-janaza sur lui. Ils feront la prière mortuaire sur lui. Mais à son époque, il y aura Ya'juj et Ma'juj, on va en parler la semaine prochaine, bihaoulillahi azza wa jal, et ça nous ramène à dire qu'il nous reste deux cours, incha'Allah ta'ala. Un cours sur Ya'juj et Ma'juj, et un cours sur les derniers signes. Je vais réunir les derniers signes dans le dernier cours, donc il nous reste deux cours, où il y aura dans le dernier cours, bien sûr, le fait, on parlera de Ad-Dabba, on parlera de Ad-Dukhan, on parlera des engloutissements, et on terminera cette série, incha'Allah ta'ala, pour commencer une nouvelle série sur التوحيد بحول الله عز وجل وبالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.